travaille plus trop sur Méditerranée. Genre, c'est une entrée initiale dans mon DEA, c'est-à-dire de rentrer sur ce projet en Méditerranée, de voir comment il est concerté, quelle vague il fait quand il touche terre, projet un petit peu technocratique, qui arrive un peu de loin, qui a des ambitions un petit peu démesurées, ou qui essaye de tirer Marseille en le repositionnant dans l'espace euro-méditerranéen, dans une concurrence avec Gênes et Barcelone. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'était de voir aussi comment ce projet, initialement, il était concerté. Bon, on est en 2003, quand je fais mon DEA, et il faut dire que c'est assez pauvre à cette époque-là, niveau concertation, participation citoyenne. Donc, l'idée qu'on a eue avec mon directeur de thèse, qui est Jean-Samuel Bordreuil, c'était plutôt de faire un pari. Un pari sur une mobilisation qui émerge sur le périmètre, et de voir comment cette mobilisation accroche ou pas le projet. Voilà. Donc, ça n'a pas manqué en 2004 avec la rue de la République qui a fait l'affaire. Je ne sais pas si vous connaissez tous, peut-être vous en avez entendu parler. Et voilà, donc je suis sur mon terrain avant que mon terrain existe. C'est un petit peu ça le paradoxe, c'est-à-dire que je ne retrace pas ce que je vais vous montrer, le problème public, je vais rentrer un peu dans les détails, mais j'ai observé cette émergence. L'émergence de cette mobilisation et comment ce problème a cristallisé les attentions, comment il a fait problème public. Voilà. Je m'excuse déjà d'avance si je ne suis pas trop clair ou si je m'emporte, si je suis très fatigué, là je suis en fin de thèse, j'ai 15 jours pour finir, donc je n'ai pas beaucoup de sommeil et un décalage horaire, enfin bon, c'est. Voilà, donc c'est juste pour. Voilà. Et voilà, donc il y a aussi le bouquin, donc. Ce bouquin date de 2010, on a écrit avec Véronique Manry, qui est une sociologue, et Martine Derain, qui est une artiste. Donc ça, c'est un bouquin sur une recherche-action qu'on a menée pour le PUCA, enfin, qui restitue un petit peu la recherche-action qu'on a menée entre 2005 et 2007 sur ce terrain. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu inspiré de ce qu'avait fait Michel Nancel à l'époque au niveau du petit séminaire à Marseille, donc dans le cadre de projets de réhabilitation. Arriver, se positionner un petit peu en intermédiaire pour essayer de libérer une parole citoyenne. En tout cas, c'était les projets initiaux. Et mais bon, c'est pas aussi simple que ça, comme je vais vous le présenter. Donc, on a essayé de mettre en place une ingénierie d'intervention sociale pour faciliter un petit peu, non pas la mobilisation, mais en tout cas cette parole citoyenne, et puis essayer de la prendre un petit peu comme elle est, pour ce qu'elle est, pas simplement arriver et, avec nos grands chevaux pour essayer de. On va libérer la parole, regarder comment on le fait bien, mais plutôt essayer de prendre déjà cette parole existante, que ce soit à travers la rumeur, à travers des choses qui sont pré-publiques, qui ne sont pas forcément relayées par les médias, mais qui bruissent, qui circulent, et essayer de se positionner, si vous voulez, entre ce bruissement, ces rumeurs, ces choses-là, la scène publique, la parole citoyenne, l'officialité, tout ce qui rend officiel, si vous voulez, la mobilisation. Donc voilà, il y a des images. C'est pas simplement un bouquin de sociaux, hein, c'est un bouquin où il y a une dimension historique qui a été travaillée, une profondeur historique qui a été donnée à cette histoire, notamment avec le travail sur la mémoire, ce genre de choses, par Véronique Manry. Il y a des interventions d'artistes. Vu qu'il y a eu aussi des documentaires qui ont été faits sur la République, je pense à Denis Garbrandt ou des gens comme ça qui sont assez connus dans leur milieu. Donc il y a des images, il y a du son, il y a tout un tas de choses dedans. Voilà. Donc je vous fais passer. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle le problème de la République. En fait, c'est pas que moi qui l'appelle comme ça, c'est un petit peu tout le monde. Alors juste un petit peu parce que bon, j'ai trouvé ça il y a pas longtemps. Enfin, je me suis remémoré ça en relisant Park, donc qui est un sociologue américain, donc un des fondateurs de la sociologie. Propose un glissement de l'histoire à la sociologie, et c'est intéressant parce que c'est un petit peu dans... Alors, il y a une approche naturaliste, mais moi j'ai une approche plus pragmatique, mais il y a des affinités, c'est-à-dire que moi ce qui va m'intéresser, c'est l'émergence des questions politiques et d'institutions, et à travers un petit peu la construction d'un modèle qui serait une histoire naturelle, de la carrière d'émergence, enfin de la carrière ou de la trajectoire d'un problème social ou d'un problème public. Comment émerge un problème public? Comment émerge un problème social? C'est pas simplement l'état de fait qui apparaît comme ça. Donc c'est construit petit à petit dans le temps, ça avance et ça émerge et ça porte de temps en temps des institutions, des dispositifs de régulation qui voilà. Donc, mon sujet de thèse, donc, pour en arriver à ça, c'est comment se forme un public et comment émerge un problème public. Donc, ça, c'est une approche un peu singulière. L'idée, c'est de dire que les problèmes sociaux, donc, sont construits, émergent, et qui sont portés par un public. Donc, ces approches-là ont fait l'objet de modélisations récurrentes depuis les années 20 aux États-Unis. Alors, il y a eu différents courants qui se sont intéressés à ces choses-là. Donc, il y a eu des approches en termes de conflits de valeurs, il y a eu des approches en termes de... des approches plus constructionnistes, des approches plus interactionnistes, donc qui sont des courants un petit peu de la sociologie. Donc ça, il y a une littérature récurrente sur ces questions-là. Pour ma part, moi, j'apprends une approche pragmatique, comme je vous le disais, c'est-à-dire que pour moi, le social, il est à l'œuvre, il est émergent. Il n'y a pas de classe sociale, s'il y a des classes sociales, c'est qu'elles émergent dans un élan de construction, en tout cas dans le cadre d'une publicité. Donc, c'est une posture qui est celle de part, initialement, c'est de dire que le social, il émerge à partir du public. Ils sont coextensifs tous les deux. Un exemple simple, hein, en termes d'interaction, une rencontre avec quelqu'un, avec un inconnu, ça se passe généralement dans un espace public. Voilà, c'est un exemple assez réducteur, assez fin, mais ça donne un petit peu une idée. Donc l'objet, moi, que j'utilise pour essayer de comprendre cette problématique-là, ben, c'est ce que j'appelle l'enquête sociale. Alors c'est pas mon enquête à moi, hein. C'est le processus social qui participe de l'émergence d'un problème public. Donc qui lui donne forme, qui le dramatise. Par exemple, sur l'arène publique, on verra que ça sera dramatisé à travers une expulsion massive de locataires. Et quelque part, donc, mon travail, c'est d'enquêter sur l'enquête sociale. Donc je vais préciser tout ça un petit peu à petit. Donc c'est pas produire un métadiscours sur... c'est juste suivre ce processus et de voir comment progressivement il émerge et comment on arrive à cette idée que tout le monde partage que, par exemple, enfin je la croise assez souvent, qu'il n'y a plus d'habitants sur l'arène publique, tout le monde a été expulsé. Ce qui n'est pas vrai. Les gens ont été relogés, mais la question du relogement est toujours débattue publiquement, à savoir est-ce que c'est un délogement ou un relogement. Et ce sont ce genre de questions-là qui m'intéressent donc à partir de ce travail-là. Donc pour vous situer, donc, bon, vous connaissez Marseille, j'imagine, mais c'était pour vous situer un petit peu où on se trouvait. Donc on est sur le deuxième, sur le premier, le deuxième arrondissement, au niveau de la Rue de la République. Donc, dans ma thèse, c'est plutôt important, puisque là, on est dans le fief de Guérigny. Donc, pour moi, c'est toujours intéressant de voir, par exemple, les pratiques clientélaires, ce genre de choses. C'est pas réservé à Guérigny, hein, mais disons que c'est très ancré au niveau du panier, au niveau des carmes, où le système clientélaire relationnel dense de connaissances, d'interconnaissances pour obtenir du logement, ce genre de choses, sont importants. On l'a retrouvé pendant très longtemps, par exemple, sur l'accession à l'habitat sur la rue de la République. La rue de la République a longtemps joué une fonction urbaine, alors je m'appuie sur les travaux de Sylvie Mazella et Pierre Fournier, où l'accès à la rue de la République soit supposé de sortir des quartiers stigmatisés, par exemple, du panier des carmes, et d'être pris dans une ascension sociale par l'inscription dans l'espace, par l'accession à la rue de la République, qui se passait généralement par recommandation. Donc, Cesare Macina, qui est au Lames également, a bien montré, par exemple, ce genre de choses à travers des comités d'intérêt de quartier, ce genre de structures, voilà. Donc, on est à ce niveau-là. Et donc, là, on est, par rapport à mon entrée, sur des périmètres, donc dans le cadre de Euroméditerranée, du projet Euroméditerranée. Donc, pour vous présenter rapidement, c'est Euromed 1, on l'appelle maintenant, mais à l'époque, c'était Euromed tout court. Parce qu'il y a eu l'extension depuis qui va jusqu'à la porte d'Aix, on a récemment eu des difficultés. Donc c'est 315 hectares de périmètre découpé sur une portion de ville qui est, extraite. Enfin, je veux dire, c'est un cas particulier en matière d'urbanisme puisqu'on est dans le cadre d'une opération d'intérêt national. Donc l'idée, comme je vous le disais, c'est de repositionner Marseille dans l'espace euroméditerranéen. Marseille et la France par extension, donc la concurrence avec Gênes et Barcelone, Ce projet a également des. On veut par exemple faire la défense, construire une nouvelle défense, un quartier d'affaires au niveau du port. Donc il y a une reconquête aussi qui est faite sur toutes les friches industrielles, tout ce qui est au niveau de la Joliette et jusqu'à Rinc. Donc il y a cette dimension aussi un petit peu donc, d'urbaniste qui est assez forte, c'est-à-dire qu'on veut que la ville veut reconquérir le Sifront, le front de mer. Donc on veut densifier le quartier, on produit de l'habitat, produit des équipements métropolitains. Donc que ce soit, alors on a vu des gratte-ciels émerger, mais je veux dire à côté il va y avoir tout un tas de, on a les archives départementales, on a un collège qui a été fait, il y a tout un tas d'interventions et d'équipements comme ça qui sont mis en place, donc des salles de concert, etc., les musées, avec le BICEM à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est un petit peu. Alors, ce projet a une vieille histoire, on pourrait la faire monter jusqu'à la question du centre directionnel dans les années 60, 70, au niveau du centre bourse, qui visait à repositionner tous les équipements à Marseille, donc tout ce qui était un petit peu métropolitain à Marseille avec ses extensions au niveau du port de Fos, parce que les années 60, le port autonome s'élargit et gagne sur Fos-sur-Mer. Donc toutes les fonctions importantes devaient être centralisé. Ce projet n'a pas été fait et on en retrouve à partir de 95 une sorte de récupération de cette idée-là avec ce projet-là. Donc, une des critères de réussite qui nous intéresse, en tout cas qui est intéressant, opérationnellement, donc on a des ZAC, des zones d'aménagement concertées, on en a trois. Donc, on a Saint-Charles, la Joliette, quartier d'affaires et donc tout ce qui est au niveau du Sifron, donc avec les constructions de centres commerciaux, donc les musées, de la résidence, et puis là on voit un petit peu les gratte-ciels apparaître, il y en a que trois autres qui arrivent. Donc il y a le premier qui est la tour CMA-CGM qui a été faite, mais il y en a trois autres qui arrivent. Et il y a aussi des OPA, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, qui sont des procédures de réhabilitation qui sont incitatives, c'est-à-dire qu'il y a une agence qui s'appelle l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui se coordonne. Donc, alors, c'est un projet financé par tous les partenaires de Romaine, ça j'ai pas dit. Ça va de l'État, la région, le département, la communauté urbaine et la ville. Donc tous participent au financement de ce projet et en même temps aussi au sous-projet, pour ainsi dire, de l'OPA avec l'ANA. Donc, ce sont des subventions qui sont données aux propriétaires si ceux-ci engagent des travaux de réhabilitation avec des contraintes, par exemple, de maintien des locataires, avec des limitations de hausse de loyer, puisque pendant X années, et ainsi de suite. Donc, je rentrerai plus dans le détail bientôt, mais juste pour vous dire qu'un des critères, si vous voulez, de réussite, qui est souvent mis en avant, en tout cas qui était mis à l'avant à cette époque-là de l'Euroméditerranée, c'est ce qu'ils appelaient l'effet levier. À savoir que globalement, le projet est un petit peu ressemble un petit peu à l'OPA, puisque 1 euro public investi dans le cadre de ce projet doit permettre la levée de 3 euros privés d'investissement. Donc c'est un petit peu une logique pour faire venir les opérateurs, les promoteurs immobiliers. Les entreprises qui investissent, tout un tas de choses. Voilà. Donc le secteur, globalement, en dehors de la rue de la République et du secteur Camille Pelletan avec le boulevard de Paris, est globalement vide, puisqu'on est sur des friches industrielles. Et c'est un secteur plutôt pauvre. D'ailleurs, certaines zones sont parmi les plus pauvres de la ville. Et donc, le projet de la rue de la République, il s'inscrit, si vous voulez, dans ce cadre global. Et il a une fonction plus particulière, c'est de relier le centre-ville, je dirais ancien, au nouveau monde, au nouveau centre-ville. Donc il y a une production, une idée quand même que cette rue, elle fait le lien entre, dans cette extension du centre-ville. Donc c'est un projet important au sein de l'Euroméditerranée. Donc là, on rentre plus particulièrement dans l'OPA. Donc là, on est sur le Vieux-Port, on voit la rue de la République. Et donc en 2001, il est signé une convention d'OPA qui est quand même assez spécifique puisque la rue de la République, donc elle fait 1 km de long, l'OPA elle concerne à peu près 5-6 000 logements. Alors, pour revenir à l'histoire un petit peu de la rue, c'est-à-dire que la percée, donc c'est les années 1860-1880, donc percée, on creuse la rue, la grande rue, elle a été coupée en deux à cette époque-là, au niveau, je crois qu'elle est à ce niveau-là, je ne sais plus. Donc il y a un percement de cette artère haussmannienne qui, toujours avec la même logique à l'époque, suit relié le centre-ville à l'autre, au nouveau port, lié donc aux extensions portuaires de Marseille. Et donc tout ça, c'est un projet immobilier qui est mis en place par la bourgeoisie marseillaise, qui est catastrophique, avec l'idée en fait c'est de ramener la bourgeoisie à ce niveau-là, à proximité du port, dans du bâti bourgeois, puisqu'on est dans l'haussmannien. Et c'est un échec. Du point de vue du projet, c'est un échec. Et en fait, il s'est installé une population plutôt classe moyenne. Et la rue a trouvé, si vous voulez, dans le temps, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, cette fonction urbaine d'être une étape, quand on sortait des quartiers un petit peu stigmatisés, d'une étape dans une ascension sociale pour après aller vivre ailleurs. Donc il y a eu un gros turnover de population sur plus d'un siècle. Et donc on voit ce qui marque d'ailleurs assez de façon assez intéressante les vagues d'immigration à Marseille. C'est-à-dire qu'on arrive à voir les Arméniens, les Corses, les Italiens se succéder dans le temps, arriver jusqu'aux années 90 quand les Maghrébins ont commencé à s'installer et à rentrer sur la rue de la République. Donc il y a eu des vagues d'immigration, enfin d'implantations successives qui collaient assez bien avec les vagues d'immigration à Marseille. Alors en 2001, une convention d'OPA qui est signée. Alors le grand propriétaire dans les années 80, donc la société immobilière marseillaise, se sépare petit à petit de son patrimoine. Donc il y a des immeubles qui sont vendus en propriété, en copropriété, donc le particulier acheté. Il y a eu des investissements de multinationales, donc je ne sais plus dans le détail, mais Danone, tout un tas de choses, qui ont acheté des îlots entiers, donc se constituant un gros patrimoine sur la rue. Et on arrive en 2001 avec une répartition en 3 de la rue, avec les petits propriétaires privés. En rouge, le patrimoine, donc à l'époque, en 2001, c'est P2C International, P2C Investissement, donc c'est une multinationale française, strasbourgeoise, je crois, d'investissement. Donc ils ont du patrimoine un peu partout. Et l'héritière de la CIM, qui détenait. Donc une convention est signée avec ces deux grands propriétaires, dont la réhabilitation est censée faire levier au niveau des petits propriétaires, les amener donc à faire leur propre réhabilitation. Et cette convention prévoit ce qu'ils appellent la règle des trois tiers, c'est-à-dire un tiers, au terme de la réhabilitation, on devrait se retrouver avec un tiers de logements, ce qu'on appelle conventionnés, c'est-à-dire avec des baux qui sont dont le loyer est fixé pour permettre aux locataires de rester après la réhabilitation, un tiers de logements social et un tiers de logements libres. Donc on choisit du prix qu'on veut, les 10% restants étant à la discrétion des propriétaires, font ce qu'ils veulent. Donc voilà. Au niveau 2001, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est qu'il y a la rue, elle est à peu près, sur la rue, il y a 24% de vacances. Sur le patrimoine, notamment en bleu, donc de P2C, on est sur 40% en 2001 de patrimoine, de vacances, pardon. En 2004, quand l'affaire éclate avec l'arrivée du nouveau propriétaire Marseille République, sur le même patrimoine, on est à 60% de vacances. C'est-à-dire que tout le contexte, si vous voulez, on est sur un contexte, en tout cas concernant ce périmètre-là, de déshérence, d'abandon, des commerces ferment, le squat se développe, l'insécurité est galopante, tout un tas de choses comme ça, donc il y a tout un tas de rumeurs, par exemple, qui surgissent sur l'arrivée de la population maghrébine, qui marque un complot fait par les propriétaires, les pouvoirs publics. On fait venir ces gens, on les installe pour que les légitimes et les anciens s'en aillent, et après, on les fera partir, Donc on est vraiment dans l'idée du franc-tireur du capital en cas d'une gentrification. Donc il y a des rumeurs comme ça qui circulent. Après, les maghrébins, les autres personnes qui ont été stigmatisées ont été les squatteurs, c'est pareil. On fait venir les squats, il y en a qui ont des rumeurs, on leur donne les clés, les assistantes sociales leur ouvrent des appartements, tout un tas de choses, pour permettre à ces gens d'arriver et pour nous faire partir. Donc tout ça, on est dans une phase vraiment où la rue est complètement en déliquescence. Enfin, pas forcément réellement, mais en tout cas au niveau du bruit, de l'ambiance qu'il y a dans le quartier. Alors, je vous remercie, j'ai rien oublié. Donc la règle des trois tiers. Alors, dans le cas de mon travail, il y a une difficulté pour moi, parce que je vous présente un projet qui repose sur une convention. On n'est pas sûr, en fait, d'être dans le cadre d'une réhabilitation publique. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a été tout l'enjeu de la mobilisation d'essayer de maintenir le cadre d'une opération publique. Le projet a été constamment modifié et laissé à la main des deux grands propriétaires privés qui s'occupaient des logements, de tout un tas de choses, en sachant que les logements, par exemple le tiers social, étaient à leur charge, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Ils se sont arrangés avec la mairie pour que la mairie fasse venir ses propres bailleurs sociaux pour accueillir les locataires des propriétaires. Donc ça, c'est une histoire qui est montée jusqu'à, si vous voulez, la préfecture, qui a mis en place, par exemple, des comités de pilotage de l'OPA, qui est normalement une obligation, qui n'existait pas jusque-là. Ça a été jusqu'au tribunal pour être tranché, pour savoir si oui ou non on était dans le cadre d'une opération publique. Donc c'est pas quelque chose qui est acquis. C'est-à-dire que si je vous présente un projet de réhabilitation, on n'est pas sûr qu'on soit dans ce cadre-là. Il y a une ambiguïté. Donc, quand l'affaire émerge en 2004, elle émerge suite à une revente de P2C. P2C est racheté. C'est pas le patrimoine qui est racheté. La société P2C est rachetée par un fonds de pension américain qui s'appelle OnStar. Alors, quand P2C est acheté, c'était 70 millions d'euros. Trois ans après, sans aucune intervention, sans avoir fait le moindre travaux, P2C est racheté, c'est plus de 100 millions d'euros, 110 millions d'euros. Donc 40 millions de marge, sans avoir rien fait. Ce qui n'est pas dramatique, puisqu'après, on verra après, donc il y aura des reventes d'îlots, de ci, de là. Quand Marseille République, le nouveau propriétaire, va revendre son patrimoine, il le revendra 250 millions d'euros. Donc, on peut dire qu'il y a eu une inflation complètement, une inflation de bénéfices. Voilà. Donc, la difficulté à l'époque, c'est qu'il y a. Alors, je ne veux pas trop m'avancer non plus. Beaucoup de squats. Voilà. Et en fait, pour moi, je vous parlais d'enquête tout à l'heure, par exemple. L'idée d'enquête, pour moi, le problème de la Rue de la République, il n'émerge pas, si vous voulez, à partir de ce projet, de ces choses-là. Ce projet, il émerge en 2004. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'il y a un projet à partir de 2004. Avant, ils n'ont aucune idée. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un projet. Même en tant que locataire, qu'ils étaient concernés par un projet. Le problème de la République, il émerge d'abord par rapport au squat. Où il y a des mobilisations assez courtes, enfin ponctuelles, qui ne durent pas longtemps, qui émergent sur la question des squats, qui s'orientent sur la question du complot des propriétaires où il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comment on se rend compte que quelque chose ne va pas? C'est par exemple quand on a un squat qui s'installe à côté de chez nous, on va donc à la police nous dit si le propriétaire dépose des plaintes, le propriétaire il ne dépose pas plainte, il laisse sa situation se dégrader, donc les gens commencent à sentir qu'il se passe quelque chose, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Donc, petit à petit, on arrive à cette idée, donc je le présenterai après, là, comment ça évolue, la question des squats. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui enquêtent, qui se rendent compte des choses, qui réalisent que ça se passe, et ces formes de réalisation, en tout cas au début, prennent la forme de rumeurs. Il y a des bruits qui circulent, il y a du social à l'œuvre, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, et voilà. Donc, je vais avant. Voilà. Donc, pour présenter rapidement, donc là, on est sur la grande manifestation du 27 novembre 2004. 500 locataires qui manifestent avec Centre V pour tous, donc qui est l'association qui a un petit peu encadré et porté la mobilisation. Donc 500 personnes avec mot d'ordre assez fort, j'y suis, j'y reste, parce qu'on est sur une logique d'expulsion massive des locataires. Le propriétaire est là pour nous mettre dehors et pour faire une plus-value dans le cadre d'une opération immobilière. Donc là, on voit également les travaux. Donc là, on est plutôt en 2005. Donc avec, on est à la fois sur l'intervention sur l'espace public qui est portée là par les pouvoirs publics, donc le tramway, évidemment, réaménagement des trottoirs, de la voirie et de ce genre de choses, plantation d'arbres, etc. Mais également aussi bassin de rétention, parking souterrain, qui accompagne quelque part cette réhabilitation. Donc là, on est aussi, pour montrer un petit peu l'état des immeubles, je vous montrerai un petit peu plus en détail, un délabrement n'est plus total. Je vous présenterai ça en détail. Là, on est sur les questions de mobilisation, donc ça doit être automne 2004, donc c'est quand émerge la mobilisation. Donc là, on peut voir par exemple l'état des immeubles. Donc là, un départ d'incendie, il y a un squat. Donc là, on appelle ça un murage qui fait suite à une dévitalisation d'un appartement. C'est-à-dire qu'on casse tous les sanitaires, les arrivées d'eau, on brise les fenêtres pour pas que les squatteurs s'installent et on mure. Bon, c'est inefficace puisque avec une masse, on vient très vite à bouger. J'ai assisté à des ouvertures de squat, par exemple. Voilà. Donc là, il y a un départ d'incendie. Donc on est dans le cadre du fait divers qui est aussi, par exemple, une manière de montrer que le problème de la République n'existe pas à cette époque-là. Par exemple, en 2002, il y a énormément de... Quand on voit comment la question des squats est traitée dans la presse, dans les médias, ce genre de choses, on se rend compte que c'est essentiellement dans le cadre du fait divers. C'est pas encore la faute aux propriétaires qui cherchent à expulser les locataires. Un incendie sur la rue de la République a émergé. C'est un immeuble squatté, donc on interroge les pompiers, on se rend compte qu'il y a des canisses dans le sol, ça fait accélérateur d'incendie, enfin tout un tas de choses comme ça. Voilà. Donc là, on voit aussi la présence de squatteurs. C'est souvent, ce sera des motifs, par exemple, par la suite, dans le cas de pour l'association, dans le cas de l'intervention, il y a l'ambiguïté à lutter contre le squat parce que finalement, c'est des pauvres gens qui sont manipulés par le propriétaire pour mettre les locataires dehors. Donc, il ne faut pas non plus taper sur les squatteurs. S'ils sont là, c'est parce que les appartements sont vides, ils ne sont pas reloués. Donc, on entretient délibérément les conflits dans les immeubles pour mettre dehors. Voilà le type d'interprétation qu'on aura par la suite. À ce moment-là, ce n'est pas encore ça. À ce moment-là, c'est le propriétaire nous met dehors. Il y a des squats, c'est invivable, le bruit et l'odeur, vous savez, toutes ces choses qui sont pré-publiques, qu'on ne voit pas, qui sont dans le bruit, qui bruissent, en fait, souvent, mais qui ne surgissent pas publiquement. Alors, juste avant, je peux peut-être vous montrer d'autres images pour vous donner un petit peu le... Là. Donc là, on est en 2004. Il y a eu une visite en mois de mai qui a été organisée pour voir un petit peu ce que c'était ces immeubles, l'état dans lequel... Donc c'est les associations qui organisaient ça. Donc on est sur des cages d'escalier. Alors les intérieurs contrastent souvent avec les cages d'escalier. Les intérieurs sont souvent bien entretenus, pas toujours aux normes. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont dramatiques. Il y a des taudis puisqu'il y a des lois 48. Donc c'est le cadre légal, puis je reviendrai après, mais... souvent les immeubles sont très bien entretenus. Donc là on voit par exemple ça c'est Next City, donc Next City, la ville du futur, enfin la ville d'après, qui est le gestionnaire d'un des deux grands propriétaires, donc qui pose la question aussi des commerces qui ferment les uns après les autres, la clientèle se tarit, donc le commerce de proximité meurt, on voit comment ça se thématise, ce genre de choses. Donc les halls d'entrée. Donc on voit les portes murées, hein, qui progressent. Donc on est quand même dans l'haussmannien, quoi. Il y a vraiment un entretien qui est à l'abandon. Et en plus, on ne comprend pas cet abandon et ces menaces d'expulsion des locataires dans le cadre d'une réhabilitation publique. Donc toute l'idée, c'est de maintenir la réhabilitation publique pour pouvoir maintenir les locataires. C'est une des bases de la mobilisation. Donc les questions des normes, par exemple, ça court dans les couloirs. Donc des fois c'est du bidouillage, hein. Par exemple les départs d'incendie sont souvent liés au bidouillage, enfin c'est le bidouillage des compteurs électriques. Donc quand on rentrait dans des squats, alors, c'est-à-dire que le plus grand squat de Marseille, il a été la rue Fioca par exemple pendant des années, c'est un squat qui était connu en Algérie. C'est-à-dire que les candidats à l'immigration clandestine, parce que c'est souvent lié à l'immigration clandestine, avant même de partir, ils savaient déjà qu'ils avaient un appartement réservé dans un immeuble sur la rue Fioca. Et donc, quand vous visitiez cet immeuble, c'était bon, une centaine de personnes qui vivaient. Bon, c'est pas simple, hein, les squats. Mais vous avez des câbles électriques qui partaient de chauffage, qui montaient le long des escaliers, avec des tuyaux d'arrosage qui montaient, ça goûtait. Les escaliers s'effondraient. Enfin, c'était vraiment dramatique comme situation. Il y avait des locataires à côté. Enfin, c'était une cohabitation un peu difficile. Donc, on voit la question de. Voilà, qui pose aussi la question de l'humidité, par exemple, tout à l'heure dans votre. Ce que je me disais aussi, je ne vais pas poser la question, mais sur l'humidité, par exemple, je pense au panier, j'ai habité au panier 3 ans pour les besoins de l'enquête. La question de l'humidité, elle est quand même assez présente sur les immeubles. Enfin, c'est des trucs. Voilà. Enfin, bon, voilà. Voilà, donc, bâti, on voit des immeubles. Alors, selon les îlots, là, on est chez P2C. Qu'il a salamment dans son patrimoine, on voit de suite à côté, c'est réhabilité. Enfin, ou en tout cas, un peu plus propre. Et ce qui est surtout marquant quand on regarde, quand on se promène à cette époque-là sur la République, c'est quelque chose qui ne saute pas aux yeux. Moi, c'est un commerçant qui m'a amené sur le bord de la porte, sur le pas de la porte de son commerce, m'a dit, regarde, et ce qu'on ne voit pas, là, c'est les volets fermés. Tous les volets sont pratiquement fermés. Et ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup sur la rue de la République. Les volets fermés et les antennes paraboliques. Bon, c'est une autre question, mais ce sont des choses que repèrent les habitants. Donc là, on est par exemple au passage de Lorette. Donc là, qui était un squat, ça a longtemps été un squat artistique, mais on voit bien que tout est pratiquement fermé. Il reste quelques, effectivement, il y a quelques du linge étendu, mais la plupart. Aujourd'hui, cet îlot est en réhabilitation. Il est resté vide pendant 3-4 ans. Des histoires liées à Lehman Brothers, à la faillite, puisqu'il y avait des histoires de capitaux, de gel de capitaux, ni par la justice américaine. Enfin, c'était. Il faut pouvoir suivre tout ça, mais voilà. Donc, c'est un petit peu la situation. Là, on est dans les cages d'escalier, par exemple, avec le docteur au premier étage. Donc, le docteur, il est un peu embêté, mais voilà, il faut soutenir l'ensemble de la structure. Donc, quand on rentre derrière les murs, qu'on va voir l'état de ces immeubles, je veux dire, il n'y a aucun locataire, la question tout à l'heure a été aussi levée, aucun locataire n'est contre la réhabilitation. Bien au contraire, chacun. Mais le seul problème pour eux, c'est que cette réhabilitation ne se fasse pas sans eux. C'est ça la nuance. Donc on voit là, par exemple, les boîtes aux lettres d'époque. Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais. Et là, on voit par exemple ce que faisaient des locataires pour lutter contre la formation des squats. C'était complètement désespéré. Hein. Coup de pied, là, on rentre. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Alors, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, puisqu'il y a une personne âgée qui se retrouve seule, une dame de 84 ans qui se retrouve seule dans l'immeuble, avec des squats de partout. C'est des situations, elle est un peu isolée, elle ne peut pas forcément se déplacer, c'est un peu compliqué. Quoi. Donc, voilà. Donc, c'est. En tout cas. Pour moi, c'est juste pour le préciser, c'est pas projeter un jugement ou ces choses-là sur ces questions-là, c'est plutôt voir le type de jugement qui peuvent être produits par les gens sur ces questions-là. Et on remarquera que tant que c'est pas public, on a de tout. C'est les familles à problème, c'est tous les discours qui sortent. De suite, on rentre dans l'espace public, le discours est différent. On stigmatise moins, on est plus dans la retenue. Le propriétaire est là pour mettre devant les locataires. C'est pas la faute aux squatteurs. Il y a des squatteurs, effectivement, il y a les bons et les mauvais squatteurs, mais le problème essentiel n'est pas là. Le problème, il est dans l'expulsion massive des locataires. Voilà. Donc c'est cette petite tension-là qui intéresse. Ce petit passage. Donc, je vous ai parlé. Je vous ai parlé donc d'enquête dans le cas de mon objet. Donc pour moi, c'est suivre et pister l'enquête sociale à l'œuvre. Si vous voulez, qui participe de l'émergence du problème de la rue de la République. Alors, remarquez que je parle du problème de la rue de la République. On ne parle pas d'une gentrification, par exemple, on ne parle pas de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir quel est le problème. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Cette démarche de compréhension collective sur qu'est-ce qui est en train de se passer sur cette rue. Donc, pour moi, donc, je repars donc, d'un auteur, un philosophe américain qui est pragmaticien, un des fondateurs du pragmatisme, donc John Dewey, et de sa réflexion sur la démocratie. Donc l'enquête, en fait, et le public, donc le public porte l'enquête, comme je vais l'expliquer, sont au cœur d'une pensée de la démocratie. Pour Dubuis, en fait, il cherche à comprendre, si vous voulez, à quelles conditions les citoyens pourraient se former des jugements politiques qui soient raisonnables, cohérents et responsables. Donc, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut penser ces formations de ces jugements, comment ça peut se travailler et émerger. Donc, ça se passe à travers l'enquête. L'enquête, en fait, c'est une expérience. Alors, expérience, parce que pour Dewey, le monde est expériencé. On est tout le temps dans un rapport d'expérience au monde. Il n'y a pas de construction préétablie. Il n'y a pas de, je vous disais, par exemple, il n'y a pas de groupes sociaux. On est toujours dans la transaction avec un environnement qui est... Enfin, c'est un monisme, enfin, c'est un monde, mais pluriel. Donc, c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est de comprendre que c'est une expérience qui devient consciente. L'enquête, c'est une expérience de l'inconscient. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. On a une attention, on focalise une attention, on essaie de saisir ce qui se passe. Et donc, on arrive à un modèle de l'expérimentation, au sens un peu presque scientifique, hein, c'est un jeu de mots. Donc, voilà. Et donc, la politique, si vous voulez, pour Dewey, c'est la dimension d'enquête du social. C'est ce que le résultat de l'enquête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est le résultat d'enquête? Donc, ça veut dire qu'un problème public existe, qu'il est le fruit donc de cette enquête sur des conséquences négatives persistantes et privées. Donc, par exemple, on peut prendre l'alcool au volant. Le problème d'alcool au volant, souvent, c'est le fait que ça tue d'autres gens, que les personnes alcoolisées tuent d'autres gens. Donc, il y a des conséquences de pratiques privées qui posent un problème public de l'autre côté. Donc, il y a des conséquences négatives portées par un public qui prend conscience de lui-même, donc qui se cristallise, le public, par exemple. On peut parler des habitants, c'est-à-dire que la riveraineté, je la questionne dans le cadre de ma thèse et de mon travail, c'est-à-dire que c'est pas évident sur la République publique de dire qu'on est un habitant de la République publique, ça fait pas sens. Ça fait un sens a priori, mais quand on va sur la rue, par exemple, on voit bien que cette question de l'être habitant, elle émerge d'une façon particulière quand on a un problème avec les squats. Si le problème c'est les squats, c'est qu'il y a des habitants légitimes et des habitants illégitimes. Donc on voit bien qu'il y a un découpage qui se met en route. Donc l'idée, c'est de voir comment ça évolue dans le temps, comment ce public prend conscience de lui-même et porte ses institutions de régulation. Puisque s'il y a du privé qui vous affecte et que vous construisez ça comme un problème public, derrière, ce problème public, on va essayer de le réguler pour éviter que ses conséquences continuent. Donc c'est... voilà. Et en même temps, vous remarquerez qu'on retrouve l'intuition de Parc, hein, c'est-à-dire que... Le petit passage de Parc, c'est-à-dire que moi, je vais essayer de suivre comment émergent des institutions, des dispositifs de régulation pour essayer de résoudre ce problème de la rue de la République. Donc, un des moteurs d'enquête, bien évidemment, c'est le doute. Par exemple, c'est quand il y a des rumeurs qui arrivent. Non, non. Les rumeurs, non, mais c'est les maghrébins qui font partir les... Non, non. Je doute de ça. C'est peut-être qu'il y a autre chose. On va essayer de voir comment ça peut se passer. Donc, petit à petit, l'enquête avance. Sa finalité, donc je vous le disais, c'est résorber les conséquences négatives et privées, durables. Donc c'est régulé par une action publique. On attend une action publique de régulation. Et de rétablir la confiance. Donc se rétablir la confiance, c'est-à-dire qu'après, on est sûr que ça ne risque pas de se reproduire. Ou si ça se reproduit, on sait qu'on peut avoir un levier juridique, par exemple, ou des choses comme ça. Donc la fin de l'enquête, pour dire oui, c'est assez vague, puisque ça peut être des faits, de la croyance, une opinion publique, etc. Donc c'est assez large l'éventail chez Dewey. Et donc, l'un des objectifs en posant la question de l'action publique, en posant la question de la régulation, un des objectifs de l'enquête, c'est de participer à ce qui relève du privé et du public. Sur la rue de la République, par exemple, quand on vous résilie votre bail, est-ce que ça relève d'un rapport privé-privé entre locataire et propriétaire, ou est-ce que ça relève d'autres choses, d'un problème public, qui est une expulsion massive des locataires, par exemple. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le problème qu'on a eu, ou la connaissance du problème qu'on a eu, si on en était resté à un rapport privé-privé. Je vous montrerai, par exemple, que l'action collective, un des objectifs, c'est de créer des jurisprudences. C'est-à-dire créer des modes d'application de la loi à partir d'un cas particulier, valable pour toutes les autres personnes qui se retrouvent dans leur cas. Donc il y a une démarche politique forte, on crée de la jurisprudence. Et donc après, ça permet de faire levier dans les autres situations. Donc cette situation, en fait, si vous voulez, si c'est l'enquête qui sépare ce qu'il y a du privé et du public, ça veut dire qu'il n'y a aucun critère ou catégorisation qui soit a priori ou défini. Et ni aucune limite essentialiste dans ce. C'est-à-dire que ce n'est pas un découpage qui est imposé ici et là. Il est travaillé en permanence dans les limites des enquêtes. Donc, cette séparation, donc, c'est le résultat de l'enquête, des conséquences des activités sociales des uns sur les autres, et dans l'élan de régulation qui sont portées par les conclusions de l'enquête. Donc, comment on peut recadrer ça en démocratie ? Donc, une des impératifs pour pouvoir penser l'enquête dans une démocratie, c'est de se dire que l'enquête doit être sans cesse reprise. Parce que si ça reste figé, ça peut poser des problèmes à d'autres. Donc, ça donne une possibilité de reprise d'enquête. Et donc, on arrive dans des situations, sur des scènes, des arènes publiques, de controverses, de débats. Et donc, ça ouvre une arène publique intéressante pour suivre donc tout ce processus-là. Et les résultats, donc, les résultats d'enquêtes précédentes, précédentes peuvent former des précédents, par exemple des hypothèses. C'est-à-dire que c'est sur la rue publique, on peut par exemple dire depuis la posture de l'association Centre-Ville pour tous, on a vu ce qui se passait à Belzunce et à Noailles, on a idée de ce qui peut se passer sur la rue de la République. On peut prévoir. C'est une expulsion massive des locataires, on le voit déjà à l'œuvre, il y a la mairie derrière. Donc il y a des précédents qui peuvent être mobilisés. Retravailler des fois, parce qu'on peut se tromper aussi. Ça peut former des hypothèses. Donc l'hypothèse, c'est mais est-ce qu'on n'est pas face à une expulsion massive des locataires ? Donc on essaie de comprendre, de voir ce qui se passe. Donc la possibilité de reprendre en permanence permet donc de rester dans un cadre démocratique. Donc les publics, ils portent ces institutions de régulation, ce qui nous donne que pour un problème public, c'est un problème social qui est à la recherche d'une action publique. Ça fait l'objet de controverses, de débats sur différentes scènes, juridiques, médiatiques, des fois même dans la rue, au bistrot. Ça fait débat. Ça déploie une arène publique, donc, qui accueille, si vous voulez, ou qui sert de scène à tous ces débats et à ces controverses. Et ça travaille donc finalement à une culture publique. L'alcoolique au volant, c'est quand il passe au tribunal, il est jugé comme un conducteur tueur. Il n'est pas jugé comme quelqu'un qui a commis une faute. Il a une irresponsabilité vis-à-vis de ses, à rendre compte par rapport à ça. Donc si vous voulez, il y a une culture publique, des manières, des prismes de voir sur ces scènes publiques les choses qui sont petit à petit travaillées. Une culture au sens, ça se cultive, ça pousse, ça se cristallise, donc ça installe et ça normalise, si vous voulez, des rapports durables au monde. Et donc, c'est ici dire que je travaille sur une mobilisation, mais pas que. Parce que l'enquête elle-même, c'est un processus qui est aussi créatif. Il n'est pas que réactif. On crée de nouvelles cultures publiques, on crée de nouvelles façons de voir le monde, de nouvelles règles, de nouvelles... voilà. Donc, moi, sur la rue de la République, il y a une question clé qui est systématiquement présente. C'est qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que même aujourd'hui, on peut aller se promener sur la rue publique, discuter avec les gens vous disent « mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, si regardez, c'est l'abandon. » Donc, c'est une question qui est présente du départ à la fin. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce que je vous disais par rapport à la... Donc, il y a un truc qui est assez important, c'est ce que je soulignais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on parle du problème de la rue publique. On ne parle pas d'une gentrification. Donc, il y a une question de riveraineté qui se pose derrière, qui se travaille elle-même dans le temps, selon les configurations du problème, comme je vous le présenterai après, parce que le problème change dans le temps, comme je vais vous le présenter. Et donc, c'est la question qui se posait par rapport au squat, mais aussi au maghrébin. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait la légitimité, par exemple, des habitants de la République ? C'est d'habiter là depuis, d'être des anciens, d'être récemment arrivés ? Est-ce que c'est une question juridique ? Est-ce que c'est... Et tout ça, c'est travaillé dans le cadre des arènes publiques, dont je vous parlais tout à l'heure, et aussi dans le cadre donc de la mobilisation, puisque je l'ai présenté, le mot d'ordre, j'y suis, j'y reste. Ça veut quand même dire que j'ai un ancrage, une attache. Et quelle forme d'attache prédomine ? Comment ça se passe ? Ce sera débattu. Par exemple, sur la question du relogement et du délogement. Est-ce qu'on est dans du délogement ou du relogement ? J'y suis, j'y reste, ça veut dire quoi ? Au départ, ça veut dire j'y suis, j'y reste, ça veut dire je reste dans mon appartement, je suis chez moi. Alors, pour les anciens, ça parle, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont là depuis 1895, dans le même appartement. pour les faire partir de leur logement, c'est quand même quelque chose qui est pesant, qui est, c'est des attaches lourdes qui sont travaillées. Donc en 2004, c'est plutôt tendance, il y a plutôt cette tendance à « je reste chez moi, j'ai un bail, j'ai mes droits, je reste où je suis ». En 2005, 2006, à partir de 2006, ça change. Le délogement devient du relogement, c'est-à-dire j'y suis, j'y reste, oui, mais c'est dans le quartier, c'est pas forcément chez moi. Tant que je suis relogé dans le quartier, ça va. Donc on voit que ça bascule, ce sont des petites choses, mais ça bascule. Oui, je suis un peu soucieux de ces petits détails, mais c'est aussi ce qui fait le... Voilà. Donc là, je peux vous présenter la trajectoire globale du problème public. Donc, j'ai construit alors, autour de différentes phases. Donc, une période muette, publiquement, mais qui est très bavarde, donc à travers des rumeurs, des préjugés, tout un tas de choses qui sont présentes. Donc, c'est ici qu'on trouve la question, par exemple, des squats, des maghrébins qui seraient pris dans un complot par ailleurs pour chasser les habitants légitimes qui sont là depuis des années ou qui sont... Donc on voit dans ces phases-là la naissance de l'enquête et la gestation finalement du problème qui se forme petit à petit. Je vous montrerai le détail de ça après, notamment avec la question des squats. Donc on est sur une période 2001-2004. Au départ, on est sur les questions d'insécurité. C'est-à-dire dans le quartier, en des années 2000-2001, le problème dans le quartier, c'est l'insécurité. Mais très vite, il apparaît, par exemple, une forme à l'intérieur, c'est l'insécurité dans les immeubles, avec les squats. Et petit à petit, ça se décline comme ça. On arrive à une épreuve qui est l'alerte, qui est donnée donc en 2004, suite à l'arrivée de Marseille République et, du nouveau, et des premières résiliations de baux, avec des annonces assez... je dirais couillu, mais excusez-moi le mot, mais enfin, excusez du mot, mais où on arrive, où le propriétaire annonce très clairement, bon, ben, tous les baux seront résiliés. Moi, j'ai rien à voir avec eux. Donc, c'est 553 personnes qui sont concernées. Je résilie tous les baux. Il n'y a pas de... Et la mairie qui est à côté, la représentante de la mairie qui est assise à côté du propriétaire lors de la conférence de presse qu'ils organisent, annonce, bon, ben, moi, je ne veux pas avoir cette population la nuit sur place. Donc, il y a quand même une alerte qui, avec la résiliation de Beau, avec ce genre de discours, ça prend de suite. Et ce qui est remarquable dans ce passage-là, peut-être ça intéresse les historiens, c'est que là, on n'a aucune trace. On n'a aucune trace écrite. Il y a des archives personnelles, mais la plupart du temps, elles sont perdues. Elles sont, là, on a une surproduction d'articles à partir de là. On arrive à avoir au moins 5 articles par semaine. Pendant 3-4 mois. Et ça va de la presse locale à la presse nationale, en passant par la télé, 7 à 8, on en parle de partout. Donc, il y a une arène publique qui se déploie, en tout cas qui se déploie autour d'une, essentiellement dans le premier temps, au niveau de cette question, au niveau d'une scène médiatique. Donc tout se passe sur la scène médiatique. Et on arrive progressivement à une stabilisation. Donc les rumeurs s'évaporent, tout un tas de choses. À une première configuration qui est liée à l'expulsion massive des locataires. Et donc qui engage une lutte contre l'expulsion, contre cette expulsion, qui passe par deux voies. Un, le maintien d'une opération publique, parce qu'on n'est pas sûr que le propriétaire soit toujours... Enfin, vu que c'est le propriétaire qui mène l'opération et pas les pouvoirs publics, il risque d'avoir un problème. Donc est-ce qu'on ne peut pas s'assurer d'un contrôle public? Et notamment en essayant de chointer la mairie et Euroméditerranée et mettre ça directement dans les mains du préfet, ce qui se passera par la suite. Mais le problème, c'est que le préfet n'aura aucune prise légale sur la réhabilitation menée par les propriétaires. Donc ce sera juste un contrôle des relogements des locataires qui sera mené. Et la deuxième voie, c'est celle du procès. C'est-à-dire qu'il faut résister. Pour résister face à cette expulsion massive, il faut défendre vos droits de locataire. Et donc, ce qui amène progressivement une nouvelle scène dans l'arène publique, qui est le tribunal. Et ce tribunal, et en fait, il y a des mots d'ordre qui arrivent très rapidement, par exemple, c'est la seule issue au problème d'arrêt de la République, c'est d'aller au tribunal, de créer des jurisprudences, par exemple, pour contester un motif de résiliation de baux. Par exemple, c'est rigolo les motifs qu'utilise le propriétaire pour résilier les baux. Imminence de travaux. De réhabilitation lourde, c'est le motif qu'il utilise pour résilier les baux dans le cadre d'une réhabilitation. Il s'appuie sur les travaux pour pour couper les bouts. Ce qui est, du point de vue des associations, illégal. Il faudra attendre 2009 pour que ce motif soit coupé, parce que, bon, je vous expliquerai, les locataires ne veulent pas le tribunal, de façon générale. Donc la seule issue, c'est le procès. Ça tient fin 2004 à début 2006, où arrive progressivement une épreuve. Pourquoi ? Parce que les gens, finalement, ils se mobilisent, donc il y a des dispositifs qui sont créés, par exemple une permanence est créée, où les locataires viennent, exposent leurs problèmes, quels qu'ils soient. Hein. Donc c'est recadré comme des pressions au niveau des propriétaires pour les faire partir, pour les faire céder. Donc c'est fait pour fragiliser les locataires. Mais en fait, la plupart des locataires ne vont pas au procès. Ils vont opter pour un relogement. Ils optent pour un relogement auprès, dans les futurs logements sociaux. Et donc l'action, le problème se pose. Donc ça, c'est 15 minutes. Ça suffit dans une réunion publique pour que tout change. Où une dame, où il est su que cette dame, elle est en fait en train de négocier secrètement. Donc on n'est pas dans au niveau de la résistance. Elle négocie secrètement. Des gens le savent et ils lui en font le reproche. Et la dame s'insurge. Mais mettez-vous à ma place. Vous êtes à la vôtre, pas à la mienne. Et ça bouleverse tout, parce que ça suppose de réouvrir les partages, au sens de Rancière. C'est-à-dire que le résistant, c'est pas celui simplement qui va au procès et qui fait valoir ses droits, c'est aussi celui qui se maintient et qui se met en position de négocier pour ne pas se retrouver à la rue. Et qui se maintient, il résiste en se maintenant dans son appartement. Et le relogement, c'est quelque chose qu'il a obtenu. C'est pas le fait qu'il était fragile ou qu'il est cédé aux pressions du propriétaire. Donc on a complètement un recadrage, une reconfiguration du problème qui nous amène à une lutte contre l'exclusion. Là on lutte pour ne pas être expulsé de chez soi, là on lutte pour ne pas être exclu de sa rue, de la rue de la République, de ne pas se retrouver à la rue. Donc le pire a été évité, et finalement avec un procès on ne peut pas tomber plus bas. Donc ça reconfigure complètement le problème. Et à partir de là, il y a ce que j'appelle moi une évaporation du problème public et une suspension de l'enquête. Pourquoi suspension de l'enquête ? Parce qu'en fait, l'enquête, elle continue tout ce temps-là. Et la spécificité de l'enquête, comme je vous disais, c'est de maintenir un privé et un public, de partager ces choses-là. À partir de là, le public n'existe plus, il s'évapore. C'est-à-dire qu'il y a des procès qui arrivent, mais les procès, en fait, ils retombent dans un rapport privé-privé. C'est moi contre le propriétaire. Je ne suis pas là pour établir des jurisprudences pour tout le monde. Donc, il y a une reconfiguration qui est à l'œuvre. Donc, une évaporation. Donc, l'enquête, donc, je vous disais qu'elle continue parce qu'il y a des séries de rationalisations, par exemple, qui sont à l'œuvre. Alors, il y a des cas tendus, par exemple, à ce niveau-là. Par exemple, des personnes fragiles, on demande aux gens de résister en restant chez eux, suite à un dégât des eaux où tout le plafond s'est écroulé. Ça pose des questions, vous voyez, ce genre de situation. Il y a tout un tas de petites situations comme ça qui interviennent. Par exemple, pour pousser aussi le vice, pour montrer comment la configuration marche, quelqu'un qui vient, par exemple, présenter ses problèmes à l'association, en disant, voilà, il y a des rats dans l'immeuble, on l'oriente directement vers un procès pour non-entretien des parties communes. Donc, c'est parce que le rat, ça signifie qu'il y a de la saleté, ça signifie qu'il y a un non-entretien, et c'est une pression qui est exercée sur vous pour vous mettre dehors. Donc, ce sont des types d'interprétations qui sont à l'œuvre. Donc, l'une des idées de l'enquête, donc, c'est de produire des connaissances. Et produire des connaissances, ça veut dire deux choses. Ça veut dire produire des problèmes, qui sont capables d'aller au tribunal pour soutenir le procès. Donc ça suit un processus de définition collective dans le sens où on voit des reconfigurations, mais c'est aussi produire du lien, et le lien politique, c'est questionner le lien politique. Donc parce qu'on produit des connaissances entre des personnes, on sait ce qui se passe, la personne à côté. Quand une personne trahit la cause, comment on sait qu'elle trahit? On sait que son problème existe et qu'elle le fait pas. Et on la connaît, on sait quel est son problème. Donc il y a une chasse aux sorcières qui se met en place aussi sur la rue, les gens s'évitent. Change de trottoir. Des fois, il y a des voisins, après 30-40 ans de voisinage, qui partent du jour au lendemain. simplement parce qu'ils ont accepté une proposition de relogement. Donc on voit toutes ces choses quotidiennes donc, qui se jouent dans une espèce d'ambiguïté à ce niveau-là. Donc je vais peut-être vous préciser pour montrer dans le détail comment les interprétations évoluent à ce niveau-là. Alors je m'excuse, mais alors, il y a une subtilité technique, je ne sais pas comment il s'est inversé le tableau. Donc j'ai pas fait à l'envers, hein, je vous assure. Mais, donc par exemple, comment s'interroge la question du prisme riverain. Donc on parle du problème de la République. La question des squats, elle commence en 2001-2003. Elle émerge donc à travers cette idée d'insécurité dans les immeubles, que ce soit à travers des faits divers, des incendies, ou à travers des, par exemple, les vols à l'arraché dans les immeubles. Des dames sont suivies par les squatteurs, ou elles sont arrêtées dans les escaliers par les squatteurs, on lui fait le sac. Enfin bon, il y a du fait divers et de l'insécurité dans les immeubles. Après, on progresse rapidement vers cette idée de la rumeur du squatteur qui est là pour chasser les habitants légitimes, dans le cadre d'un complot. On ne sait pas trop par qui il est mené, si c'est par le projet ou par le propriétaire. On arrive en 2003 avec le squat comme le signe le plus tangible de l'abandon du patrimoine. S'il y a une meilleure preuve que le patrimoine est à l'abandon, c'est bien parce qu'il laisse ses squats se développer. Il n'a plus aucun entretien. Et il ne reloue pas. Au moment de l'alerte, quand arrive l'association, là, il y a complètement un retour critique qui est opéré. C'est-à-dire que le problème, c'est l'opération immobilière. S'il y a des squatteurs, c'est parce que les appartements sont vides, point. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus. Alors, cette question, elle ressurgira hein, continuellement. C'est-à-dire que ça va ressurgir dans le temps. Par exemple, ça ressurgira quand la CGT chômeur ouvrira des squats sur la rue de la République. Là, on verra ressurgir la question avec les dénonciations parfois un peu ambiguës, mais qui seront soumises aux rationalisations portées par l'association. On essaiera de ramener à cette vision-là. Et après, ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, si on est dans l'enquête, le problème il s'ouvre avec les squats, c'est qu'après, il y a un élargissement qui s'opère à partir de 2004, c'est-à-dire que les squats forme plus ou moins une pression pour chasser les habitants, mais c'est une parmi tant d'autres. C'est-à-dire que petit à petit, on va découvrir, moins fort, hein, découvrir, dans le cadre de l'enquête, tout un tas de problèmes. Ça commence avec la résiliation des baux, les ascenseurs en panne. Par exemple, il y a des ascenseurs en panne depuis 4 ans sur la rue de la République, avec des personnes âgées au 5e étage, qui ne sont pas entretenues. L'apparition, par exemple, des médiateurs, donc c'est du personnel de Marseille République, du propriétaire, qui va faire une médiation pour simplement négocier un départ des gens, un départ de leur appartement. Mais tel que c'est relevé, c'est des menaces et intimidations. On va tout casser, les escaliers, vous ne pourrez pas habiter. Des fois, il y a des choses complètement... Bon, il y a de l'argent aussi qui circule. Alors, on est aussi on est quand même pas loin du panier, donc c'est un peu compliqué parce qu'il arrive aussi d'un coup le prisme... de la mafia, de tout un tas de trucs qui marchent assez bien, je veux dire, au niveau des personnes âgées et qui fait très peur. Les travaux aussi sont des pressions. On fait des travaux pour chasser les habitants. Et des fois même, que le propriétaire lance un procès pour expulser les gens, c'est vécu comme une pression. Donc, c'est-à-dire que les pressions, au départ, elles sont très ciblées sur des choses et petit à petit, elles s'ouvrent. Je vous parlais des rats. On a tout un tas de trucs hein, qui rentrent. Voilà. Je ne sais pas, je crois peut-être que ça, 5 minutes. Donc ça, j'ai dit déjà. Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, à travers cette enquête, c'est-à-dire c'est la faible institutionnalisation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs. Mais enfin, si vous voulez, c'est... dans le cadre de ce problème public, l'enquête ne porte pas, si vous voulez, vraiment de régulation ou d'institution capable de réguler. C'est-à-dire qu'on peut se dire que l'action collective menée par les habitants et l'association qui les ont soutenus, on peut parler d'une action publique, au sens du oui, pour autant qu'il y a un public qui porte ces institutions, et pour autant qu'on conçoive la création de jurisprudence comme un acte politique au sens fort. Donc, une des idées pour moi de montrer que, en fait, cette faiblesse des procès, il n'y a pas eu beaucoup de procès, il n'y a pas eu tout un tas de choses, c'est de repartir de l'idée qui a été développée par Nina Eliasoff, donc c'est une auteure américaine, qui travaille sur ce qu'elle appelle le public fragile. C'est-à-dire, c'est une idée assez simple, hein, c'est qu'on ne discute pas politique, on ne parle pas de politique dans les lieux où c'est a priori attendu. Par contre, autour d'un repas à la maison devant la télé, là, on va y aller. On va discuter bien, on va bien discuter politiquement. Et donc, c'est un petit peu un paradoxe. C'est-à-dire que pour comprendre comment se sculpte la sphère publique, il y a quand même un manque. C'est-à-dire qu'il manque une parole politique. Et sur le problème de la République, c'est constant. C'est-à-dire que de suite, c'est dans des réunions, on imparté, on glisse un mot, c'est généralement quelque chose qui travaille la politique. Alors, sortie des réunions, dans la rue, on avait raconté un Odine, dans tout un tas de situations, sauf les situations où c'est à peu près inattendu. Et en fait, ça pose une question finalement de la clandestinité de la politique. Alors j'ai en tête par exemple des travaux sur la Corse, par exemple, où la clandestinité pose la question d'état de droit. C'est pour ça que j'emmène aussi à la question de la jurisprudence. C'est-à-dire, quel état de droit dans des situations où la publicité n'a pas de place, où la question politique n'a pas d'existence publique. Par exemple, même au niveau du conseil municipal, quand je suis les débats sur la rue de la République, on dénonce systématiquement le fait de faire de la rue de la République une question politique. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on évite de parler politique. Et dans toutes les scènes où a priori, j'ai en tête, alors il y a Jean-Claude Gaudin, Jean Guérini, mais on est sur un système qui travaille en fait à sortir, si vous voulez, du système clientélaire. C'est-à-dire dans un rapport relation privée-privée, où l'arrangement se passe dans... Le politique se fait plus dans... Comment on peut en sortir? C'est là toute la difficulté, si vous voulez, de... C'est pour ça que j'essaie de recourir à ça. Pour revenir dans des formes clandestines de la politique. Et une des conséquences, c'est d'introduire donc une continuité de l'enquête, c'est-à-dire... Il y a des épreuves permanentes qui se posent dans le cadre. Alors, je vous ai montré des. Mon modèle, il est assez. Il tient qu'à partir du moment où on ne convient pas d'une continuité de l'enquête. Mais si on prend la continuité de l'enquête, on voit que les épreuves sont permanentes. On remarquera que les rumeurs sont constantes. Par exemple, les rumeurs de contrats par la mafia sur un médiateur. Des rumeurs, il y en a eu tout un tas. Il y a une incapacité aussi à ressaisir en globalité ou en totalité le problème. C'est la question, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Donc on est tout le temps en train de reprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Par exemple, les pouvoirs publics, il n'y a jamais eu aucune présentation du projet public. Il n'y a rien eu. Pour vous dire jusqu'où ça a été, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux de la mairie, quand ils sont venus, donc ces procédures d'achat sont longues parce qu'elles prennent à peu près plus d'un an quand un bailleur social doit acheter au privé, ça prend à peu près un an, ça a pris un an en tout cas sur la République. Quand le futur bailleur social s'est rendu compte que le propriétaire Marseille République avait relogé tout le monde dans ses immeubles, avait fait une petite réhabilitation avec des fois relogé en faisant des baux pour 100 euros par mois pour 100 mètres carrés, c'est-à-dire qu'il a fait tout n'importe quoi pour reloger les gens. Ce bailleur social a porté plainte. Donc il s'est même porté en référé pour que ce soit rapide. Le référé a été débouté, donc ça transfère au tribunal. Entre-temps, la mairie apprend qu'une plainte a été portée. La mairie est siège au conseil d'administration. Gaudin, c'est son adjointe au logement qui y va, qui fait voter l'annulation de la plainte. Et donc c'est de l'argent public qui a été... C'est dramatique, quoi. C'est de l'argent public qui a été investi pour permettre à des opérateurs privés de faire l'opération immobilière. Enfin, c'est comme ça que c'est pris. Par exemple, il n'y a eu aucun bilan de l'OPA. En 2007, elle se termine l'OPA. Il n'y a eu aucun bilan. Les pouvoirs publics n'ont pas voulu faire de bilan sur cette opération. Elle a été demandée par les associations, ils n'ont jamais eu. Bon, voilà. Donc, il y a une impossibilité à saisir en totalité le problème, à construire ou à maintenir par des rationalisations, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre de pression, tout ça, c'est une pression, on rapporte tout au problème public. On a du mal à le faire, la fragilité des locataires, comme je vous le disais, un toit qui s'effondre, quelqu'un qui se retrouve au RSA, etc., etc. Il y a la persistance du doute, du lien fragile, c'est-à-dire c'est quoi, c'est qui cet habitant là? C'est celui qui reste pas, mais non, mais tout le monde, si tu veux être relogé, tu seras relogé, si tu veux rester chez toi, tu resteras chez toi et on se battra pour que tu restes. Enfin, c'est plus que ce qui fait riveraineté. Et cette incapacité à porter durablement les institutions de régulation, donc on est sur la. Est-ce que créer des jurisprudences, est-ce qu'on les crée ou pas ces jurisprudences? Est-ce qu'on va les instituer pour permettre de ça? On n'y arrive pas, les locataires se défaussent et ça entraîne des reconfigurations du problème, en fait, mais qu'à partir du moment où la question politique surgit publiquement. C'est ce que je vais expliquer avec la dame qui arrive un moment qui dit « mais vous n'êtes pas à ma place, vous n'êtes pas à ma place, vous êtes à la vôtre ». Et donc c'est parce que la dame est acculée à positionner cette question de réouverture du partage, d'introduire de nouvelles façons de voir les choses. Voilà, donc ça se passe par une épreuve. Ce n'est pas quelque chose de naturel, d'où l'idée de la politique fragile. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair et pas trop long. Et pas trop dense non plus.